changer. Tu sais ce que notre histoire a oublié. On nous disait qu'il volait notre travail, qu'il fallait rebâtir des murailles. Mais moi, j'ai pas bougé. Oh non, moi j'étais un bon français. Ensuite, ils sont venus chercher les homos, en brandissant sans vergogne leur drapeau. Prétexte de famille et d'enfants, en criant à tout va leur pauvre slogan. Mais moi, j'ai pas bougé. Oh non, moi j'étais pas gay. Les autres qu'il disait dans la Bible. Mais moi, j'ai pas bougé. Oh non, moi j'étais athée. Ignorance sans despote.